bug, mon esprit m'affaiblit. Fais zapper mes problèmes, mes soucis. Change mes jugements, change mon regard sur les gens. Rencontre peut-être sûrement, lever le pied, espérer le changement. J'aime la foncer, j'aime plus savoir où aller. J'aime boire jusqu'à me noyer, la réalité m'aide à stopper. Change en soirée, plus j'irai avant d'aller me coucher. Pas l'abri de faire n'importe quoi, pas l'abri de faire ce que je veux pas. Pas l'abri des tentations, je sais qu'on se met trop grasse, mais je le sais, et c'est déjà assez. Une habitude de boire plus de canettes que de flotte. Moins l'habitude de voir la cuvette des chiottes. Je bois plus à outrance, c'est pas non plus l'abstinence. Arrêtez tout, j'y pense, et puis je recommence. Je suis pas alcoolique, juste amateur de bière et mérite. Je kiffe ça, donc voilà, passe-moi une et tais-toi. La vie est ainsi, on se fait chier sans se vide. Donc je me resserre un verre et je crame mon teuchy. Je crame mon teuchy, je maltraite ma tête. Des frites, des petites, des grosses barrettes. Plus envie de rouler, c'est là que je m'arrête. Une montagne de shit sur un boîtier de CD. Je crame rouge, je pète, je tout fumé. Je sais pas quoi faire, je sais pas où aller. Bouger en soirée, rester chez One, mettre des pets et aller me coucher. Aller-retour, sans détour, je refais un tour. Un gramme de bœuf, c'est reparti, je suis là pour taper des barres, fumer des sbarres. Profite avant la fin de mon parcours. En effet, j'aime fumer, défoncer, j'aime son effet. J'aime son effet, je me fous de ses méfaits. Plus de bien que de mal, ça va changer, c'est inévitable. Sans lui, peut-être instable, peut-être plus sociable, peut-être moins le moral. J'aurais dans une chorale, corrélation d'une vie motivée par l'envie d'oubli, motivée par le sevis, car c'est l'habitude ici. Comment veux-tu que j'arrête? Trop de fumée autour de WAM à chaque soirée. On pourrait se croire au hammam, on parle, donc on crame, le lendemain je repars au taf. T'inquiète, y'a pas de mal. Y'a pas de mal à dépenser, trop de mal à coffrer un billet. Dolu c'est mon blaze, pas prêt de changer. À quoi bon charbonner si t'es mal entouré? À quoi bon chercher des clients si t'as rien à fumer? J'suis en manque de tout, de rien. Trop d'envie, peu de moyens. L'argent ça va, ça vient. J'ai pas braqué une banque avec une arme à la main. La misère me guette à chaque recoin. Besoin de taffer, besoin de trouver un bis carré. Pressé de faire mes affaires et me barrer. Vite fait, bien fait. Pressé simplement de faire plein de billets. Ce billet, pour moi, c'est vraiment la source du mal. Tellement présent qu'il a même tué la morale. Trop sont prêts à tout pour de la maille. Plus t'en as, plus t'en veux. Et c'est bien ça la faille. Moi aussi, j'aimerais m'être largement à l'aise. Mais face à tout ce qui se passe, comment veux-tu être à l'aise? Moi, je dis qu'il y a un malaise quand certains doivent vendre leur gosse. Pendant que d'autres gèrent du champ dans une Rolls. Sur cette putain de planète, y'a beaucoup d'argent. Mais peu à goûter la galette, et c'est ça qui est rageant. Enragé, j'ai du mal à me situer. Habitué, je refais ma vie sur un bout de papier. Je fais une pause, je vous l'appelle, j'ai besoin de fumer. À croire que le bé de l'alcool m'aide à me poser. Entouré d'une équipe pour pas dévier. Faut que j'arrête de conduire, je vais me faire péter. Les plombs, une douille pour effacer. Une âme de la coupe pour devenir ouf, tout cassé. Nique sa mère, je suis mal garé, endetté. Je parle mal à sous sa mère quand je suis arrêté, menotté. Séquestrer mes pensées, je suis pas du genre à me confier. Pourquoi changer, refaire le passé? Le vice est vissé dans nos vies, on vit avec, on les oublie. Y'en a qu'on assume, d'autres qu'on renie, qu'on le veuille ou non. C'est ce qui fait avancer tout le monde, et au fond, c'est ce qui détruit ce monde. Argent, drogue, sexe, luxure, la DSL de nos vies. Ça évite l'ennui, ça nous tue plus vite aussi. Très sûrement qu'il y en a qui arrivent à vivre sans. Mais moi j'en suis incapable, je te le dis franchement.